C'est 20 minutes. Et c'est tout. C'est 20 C'est 20 minutes. minutes. Et c'est tout. Salut Salut à tout le monde. tous. C'est Xavier. Et Adrien. Toujours en confinement. Toujours en confinement dans ces périodes dures de la vie. Via Skype, on essaye Via Skype. On de essaie vous de se faire apporter ça. la bonne nouvelle. Rassure, on n'est pas physiquement ensemble au même endroit. Mais Alors bon. pourquoi on serait par Skype sinon? Bah ouais. Quelle idée. Enfin. Bon, en tout Ok. cas, de retour pour un nouvel épisode. Pour vous jouer un mauvais tour, comment ça Pour vous va? Tu jouer te un mauvais confines tour. bien? Ouais, bah Tranquille? écoute, et toi? Oui, C'est écoute. du confinement de qualité. Hein. Oui, C'est le de petit qualité. stock, il faut s'imposer une petite hygiène de vie, c'est Exactement. évident. Alors, et puis voilà, parfait. Voilà, hein, parmi les Donc meilleures voilà. vacances de ma vie. Hein. Exactement. En Bon, numéro 2 après passe. les vacances de l'hôpital. Oui, passons à la suite. Exactement. Passons à la suite. En retour sur le précédent épisode. Voilà, donc Oh. Adrien découvrait les 20 premières minutes du film Nico avec Steven Exactement. Seagal. Et tu sais qui est la gonzesse? Bah oui, Sa on femme? l'avait déjà dit. Ah, sa femme, ah oui, non, je l'avais noté, c'est Sharon Stone, c'est ça? C'est Sharon Stone. Ouais, Purée, j'ai c'est découvert fou, hein. ça après. Alors, avant de revenir sur le film en lui-même, je vous invite, chers auditeurs, à aller regarder les photos 2019-2020, donc de Steven Seagal et de celle qui a joué Jackie Brown. Ouais, Et franchement, faites-vous plaisir. là, je vous avoue qu'on part sur 200 kilos de pur bonheur, là. Cumulé, hein. Cumulé. Et du coup, en cherchant ces photos et en lisant un petit peu ce qui Ouais. se passait, c'est bien, c'est le premier film hein, de Steven, hein. Vraiment. Hein. Ah C'est oui. son tout premier grand public. Bon, on peut appeler ça un coup de maître alors. Ouais, et en fait, les critiques sont moyennes, mais saluées quand même. Pour un premier film, les gens disent c'est correct. Voilà. Ouais, et puis c'est le genre de Bah. film qui après a sûrement fait un bon gros succès dans les locations de VHS. Ah ouais, ça marchait bien, tu sais, Comment on hein, appelait c'est ça comme. déjà à l'époque? Voilà, je sais même plus. Hein. Un Chez VHS store vidéo. là, la location de DVD, mais avant les DVD quoi. Avant les DVD, non, je pourrais même plus dire comment ça s'appelait, c'est Comment vrai ça ça. s'appelait ça? À chercher pour le premier épisode, pour le prochain épisode. Alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Un peu le Alors du bordel, hein? coup, j'arrivais pas à anticiper ce qui allait se passer parce qu'il y a tout qui se mélangeait, le Vietnam, le trafic de drogue. Enfin, j'en ai pensé que c'est un vrai bordel, le film. Alors Franchement, il s'arrête jamais. Il ouais, s'arrête jamais c'est d'un ça. point de vue action. Et faut suivre au milieu un peu ce qui se passe, quoi. Parce que ça, sans spoiler, ça implique des prêtres, ça implique la CIA, le FBI, Et des enfants. les fédéraux, des enfants mexicains ou argentins ou je sais plus quoi, Ouais, dans ces eaux-là. des enfants d'Amérique du Sud en fait. Et c'est un merdier pas possible, quoi. Et jusqu'à Ouais. la fin, jusqu'à la fin. Tu sens que la fin, elle se décide peut-être un peu en fonction du budget et des scènes qui restent à tourner. Bon, le méchant, ce sera toi. Oh non, je pense que le méchant, il savait. Sinon, ils n'auraient Oui, pas mis la le scène méchant, il savait, mais d'introduction. la raison, tu vois, c'est Ouais, ah oui, il a raison. obscur. C'est Ça, obscur. complètement. Enfin, après, il se posait pas de questions à l'époque. Hein. Ça impliquait souvent la drogue. Et puis voilà, basta. Maintenant, pour un premier coup d'essai, c'est pas mal, non? Maintenant, ouais. Bah, c'est Ça vrai que peut c'est un lancer une peu. carrière, quoi. C'est un peu fouillis. Voilà, ça a lancé la carrière de Steven Seagal parce qu'en plus, ben, ses cascades sont bien faites. Hein. C'est vraiment, on sent que le gars maîtrise quand même les arts martiaux. Ouais. Après, ouais, il a quand même une gueule à part aussi. Hein, bon. Il a sa gueule à part de gominé, comme ça, c'est assez spécial. Enfin bon, mais ça reste intéressant. Ça passe vite. Ça va quand même, ouais, il passe Pas trop, assez bien. faut pas trop chercher à comprendre ce qui se passe. Un film que tu conseillerais alors, on va dire, pour les gens qui aiment ça peut-être. On va dire que c'est. Moi, j'aime bien ce genre de film quand je fais un truc à côté, tu vois. Ouais. Je vais dire des conneries, hein, Trie tes quand chaussettes. j'ai tant moins, je trie mes chaussettes, je nettoie un peu chez moi. Tu vois, c'est le film que tu mets en fond, tu n'as pas besoin de le suivre. Tout va bien. Tout D'ailleurs, va bien. il vaut mieux pas le suivre, il vaut mieux le prendre comme ça, Et effectivement. si tu le suis, tu vas avoir l'impression d'avoir un peu perdu ton temps. C'est bon petit film pour du télétravail, ça peut être un bon petit film derrière. Ou tu vas pas me dire que tu fais ça pendant que tu télétravailles, ce serait ça voler dépend ton ce que je employeur. ça dépend ce que je télétravaille. Ouais, mais je vole le film aussi. Ok, c'est cohérent. C'est cohérent, hein, c'est cohérent. Et t'as, bon, déjà voilà, vu les... t'as déjà vu les films plus récents de Steven Seagal quand ouais, il est Te Fasigal? J'en avais déjà vu, on est encore sur un autre truc. Ce qui On est est encore rigolo, sur c'est un que autre. maintenant qu'il est gros, il continue à latter les gens, mais les gens viennent à lui. Lui, il ne bouge plus. Il est au Ah centre oui, de non, la pièce. tu parlais vraiment des plus récents. Ah ouais, Je quand croyais il que est tu me parlais teufard. de ceux des. Je croyais que tu me parlais de ceux de fin des années Non, 90, non, 10 non, ans. non. Les tout récents, direct tout D'accord, non, DVD, tout non. VOD. Non, Là, non, non, non. il reste sur place et les gens se plongent sur lui. Il leur Ouais. met des petits coups et il leur brise tous les membres, en fait. À chaque fois, il fait ça. Il brise tout. Ok, C'est un ouais, sacré délire. bah là dans le dans le Nico là sur la fin, il brise un petit membre, Ouais, il brise un bras c'est ça. tranquillement, Bah, mais tranquillement. ça devient sa marque de fabrique après, c'est ce qu'on lui demande. Exactement, exactement. Enfin voilà, donc bah voilà pour Nico, hein. N'hésitez pas, voilà, Ouais. c'est un divertissement Et comme ce puis, genre de film quand on était gosse, on aimait bien ça. bien sûr, on a adoré Maintenant, ça. ce serait interdit au moins de 10, voire 12 ans, mais nous, quand on avait 6, 7, 8 ans, c'est ce qu'on matait, quoi. C'était carré vert, triangle vert éventuellement. Ouais, voilà, mais on regardait quand même, tout le monde s'en C'était foutait à l'époque. certainement pas carré rouge. Tout le monde s'en foutait à l'époque. Donc voilà, bah, voilà pour Nico, et donc du coup, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attaque de beau? Là là, aujourd'hui, tu m'as proposé de regarder l'Italien 2010, Cadmerade. 2000. Cadmerade, réalisé par son ami et compère Olivier Barou. Ah oui, d'accord, j'avais Ah pas oui, fait attention à ah ça. oui, on est aussi Aïe dans ce aïe aïe. délire-là. Donc Ah ouais, moi aussi Cadmerade, j'avais su. et Alors puis des acteurs. j'ai un peu pris ça comme, comment dire, À fond. un troll, quoi. Hein. Je me suis dit, là, ça y Un est, affront. Et pourtant, on tu l'as pas vu. repart. C'est vrai, ça, c'est co comment? Comment tu sais que c'est un affront? Ça se trouve, il est bien. Non, mais attention, attention. Je l'ai pris comme un affront, mais je l'ai regardé de bonne foi quand même, hein, et avec de la bonne volonté. T'as lu le synopsis avant ou pas? Non, j'ai pas lu le synopsis, je me suis jeté direct dedans. Ou Et c'est peut-être pas tant que ça une bouse, je ne sais pas, on va voir. eh ben allez, c'est parti, hein. C'est Allez, parti. Scène scène d'ouverture. d'ouverture. Voilà. Vas-y. Je te laisse Ouverture, en parler vu que c'est quelque chose qui te. ça me tient à cœur. Ça fait partie de ton quotidien. Non, je ne sais pas trop de quoi tu parles, mais tu reviendras là-dessus. Donc, ouverture sur une musique italienne. Ouais. Tu vois laquelle là? Je ne sais plus trop. Chantemi Cantare, Voilà, exactement. non? On voit un mec qui fait sa routine du matin, qui se rase le crâne. Ouais. Ah oui, bah, effectivement, ouais, ça Et me. voilà, t'as D'accord. compris. Il a compris. Ok, donc un mec se rase le crâne, il se fait beau gosse, tu vois, parce que c'est bien d'être vraiment bien propre. Les cheveux sur la tête, c'est toujours un peu de trop, je trouve. Exactement. Donc il se rase le Exactement. crâne, il se fait un petit book style des années 90, bien stylé, tu vois. C'est vrai. Alors qu'on est en 2010, hein. Ouais, N'oublions pas. voilà. On est en 2010. Il met son petit. Alors, comment on appelle ça là? Je suis un collier religieux, la merde, la Il se croix fait de la croix du Jésus là. Christ, un crucifix du Christ, tranquille, une petite chaîne. Bah voilà, il s'habille en fait, hein. Il met son Protection costard. maximale, quoi. Costard, lunettes. Il y a des petits plans de Maserati qui passent à côté, Ouais, au voilà, milieu. Tu vois, des ça fait petits. les allers-retours entre la Maserati qui roule, entre lui qui s'habille Il tranquille. s'habille et tout. Donc le gars costume, lunettes, chaussures et Maserati. Et costume, lunettes, chaussures, tout ça, mais pas comme n'importe qui. Le mec a sa penderie, il a ses chaussures dans un tiroir à chaussures et il s'habille bien, hein, franchement, on sent qu'il a des belles fringues. Maintenant, Et est-ce qu'il s'habille montre. bien, ça je dis pas, mais. Toi qui es un expert de montres aussi, il choisit ses montres, ça a l'air d'être un sacré truc, hein, les montres. Hein. C'est tape à l'œil, je C'est vois, tape à l'œil, hein, j'en ai pas reconnu, il n'y a pas eu de placement de produit à mon avis, là c'est plutôt de la non. montre que tu achètes à 10 euros chez des Banabana, au moins pour le film, mais c'est Iskis. censé être des montres chères. Ouais, c'est censé. Donc voilà, le gars prend sa Maserati, sort. Exact. Bam, petit plan. Alors là, magnifique plan, il est dans sa caisse et derrière, tu vois le Colisée de Rome. Alors là, Eh tu dis, non. bon, bah, effectivement, parce qu'il se la joue italien, en fait, depuis le début. Là, il y a la musique Il pas. italienne, sur sa carte d'identité, on voit qu'il y a marqué Fabrizio. Fabrizio. Donc, il se la joue un peu à l'italienne. D'ailleurs, on pense vraiment qu'on est à Rome, alors qu'en fait, On est pas à du tout. Nice. Ouais, on est à Nice. On est à Nice. C'était une affiche publicitaire sur laquelle il y avait le Colisée, et Voilà. bim, C'est le on petit est à plan, là, Nice. c'est Olivier Barou, l'expert. Ah là là là là, ouais. Il avait déjà fait le ticket vers l'espace ou pas encore? Oui, il l'avait déjà fait. Oui, ça, le ticket vers Et l'espace, on c'était lui a pour lui refilé un aussi. budget après ce film. Ah, le gars, t'inquiète pas que les gars en ont tous les budgets qu'ils veulent. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est vrai que le mec, il a. Et après 2010, ils ont continué, hein. C'est ça le délire. Hein. Ouais, Non, on ah les arrête plus, les gars. On les arrête plus. Donc, action à Nice, voilà. On arrive dans une petite concession Maserati. voilà, où Tranquille. on se rend compte qu'en fait il gare sa bagnole, on se rend compte que c'est pas vraiment sa voiture. Il y a un Ouais. des mécanos qui lui dit: Dino. oh, vas-y Fabrizio, là tu saoules, faut me prévenir quand tu fais Dino. ça. Dino. Dino. Dino. Dino. Et attends, oublie pas que tu es en concession. Hein. Quand tu es vendeur de bagnoles, tu peux prendre les bagnoles que tu veux chaque soir. Hein. Ah ouais, tu m'as N'oublie expliqué pas ça, ça. hein, Ouais, franchement. n'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Donc là, il prend les bagnoles, il fait un peu comme il veut. Tu vois, tu sens que c'est le gars. Vas-y, je fais ce que je veux dans ma concession, quoi. Moi, à chaque fois que je dépose ma voiture, je note toujours le kilométrage. Hein. Personne ne roulera ma Ah, Swift, attention, eh, t'imagines? ça, peut-être pas, ils la prendront pas. Normalement, ils la prendront pas, c'est bon. Ne t'inquiète pas pour ça. Donc voilà, hein, déjà des petits indices. Si vous croisez un gars dans une Swift crâne rasé, c'est Aïe, peut-être aïe, Xavier. aïe, ouais. Ou N'hésitez pas. Dino, va savoir. Donc là, petit plan concession Maserati. On passe direct sur un autre plan, sur le vendeur, un autre D'autres vendeur. acteurs, un autre vendeur, et t'as reconnu l'autre acheteur? Le client, ouais, C'est c'est le gars de. la famille Avec Kev Adams, là. ouais, c'est ça, non, oui, exactement, Soda. Ouais, voilà. C'est le gars de Soda, et lui, il a joué dans plein de trucs sympas, lui. Je sais plus dans Alors. quoi il jouait dans des séries aussi, sur la 2, série policière. Oh Il a oui, joué il a sa dans les petite Tuches carrière. aussi. Il a sa petite Il a joué carrière. dans les Tuches. Il a toujours eu des petits rôles comme ça, voilà. Pas Il est là. fou, mais. Pas sûr qu'il Bah, roule en voilà. Maserati, mais pas sûr qu'il roule en Et Swift non plus, tu vois. même le vendeur, hein, c'est un gars habitué des seconds rôles comme ça. Il était De aussi dans les Tuches, d'ailleurs. façon générale, il y aura quand même des bons acteurs un peu partout, là. Second rôle, troisième rôle. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs comme ça, quoi. Donc du coup, bah, il y a une scène avec un vendeur plus un client, on va dire un peu un client à la con, quoi. Genre, ouais, je veux une nouvelle bagnole voilà, pour faire plaisir à ma petite amie de 22 ans, j'ai 45 Oui. ans, blablabla, enfin bref. Mec, coup classique. Coup Il classique, ouais. arrive pas à se décider. Voilà, il arrive pas Il à se décider. rentre dans la voiture, il continue à parler avec le vendeur qui le flatte, voilà, non mais ouais, vous la méritez, tout ça. Et là, alors qu'ils sont tous les deux à l'avant en train Attends, de attends, parce que discuter, il y a encore d'abord autre chose. le client lui fait. Non, mais c'est juste pour vraiment taper dans le lèche-cul du vendeur. C'est Ouais, le gars ah lui oui, je fait. vois ce que tu veux dire. Ouais. Le gars fait, mais je suis sûr que vous savez très bien pourquoi une fille de 22 ans mannequin est avec un mec comme moi. Et le gars fait, non, non, pas du tout, je me suis pas posé la question. Je ne suis pas de ce bord-là, mais je vous trouve beaucoup de charisme. Putain, quel enculé. Donc voilà, ils sont dans la bagnole. Le client dit, bon, je suis pas chaud. Et là, vas-y, continue. Qui arrive? Fabrizio qui arrive à l'arrière de la voiture. Dino! Costume. Dino Fabrizio. Dino Fabrizio. Qui arrive à l'arrière de Dino. la voiture. Crâne luisant. Disons. Petite Poly. chaînette. Poly. Costume blanc. Et Ouais. un bouc. Oh mon Dieu, un bouc. Un La bouc du classe, démon. franchement. Il arrive là, Démon. il commence à travailler l'acheteur. Il dit: ah, vous avez du mal à vous décider, hein? 17e visite, vous savez quoi? Vous la méritez pas, cette voiture. Et pas pour vous, cette Ouais. voiture, franchement. Et là, le vendeur principal, celui qui était en train de ferrer l'acheteur, Au poisson. il est mal. Il se dit: ouais, Dino, il est en train de me casser le cou. Pas Et bon, Dino, t'es pété. il enchaîne, Dino. Il dit: non, non, vous la méritez pas. Tous les soirs, la voiture, elle vous voit repartir. Non, non, Il passe fait à autre aller. chose. Il fait aller maintenant. Partez, écoutez, sortez de la Partez. voiture. Technique de vendeur agressif. Technique. Ouais, mais tu sais quoi, c'est comme ça qu'il faut faire limite. Hein. Ah, C'est franchement, ouais. limite. T'es là au McDo, le gars il te dit: non, ce sandwich-là, ne le prenez pas, vous n'en avez pas besoin, je vous dis. Évidemment que tu le veux. Ah, tu pars Évidemment. et. Évidemment. Donc en fait, voilà, l'autre, il se barre un peu Un peu vénère comme vexé. ça, un peu vexé. Là, le premier vendeur dit, oh, Dino, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, attends, attends. Et Il va revenir. tutti calmo, Ah ouais, etc. il balance des mots, il Ça balance joue un des peu mots italien. toutes les 3 secondes comme ça, des mots italiens, enfin, il fait chier, quoi. Il lui dit grosso modo, il faut savoir prendre le temps, le vin se repose, ou j'en sais rien, un truc du genre, quoi. Ouais, de la merde, quoi. Donc voilà, petit Baratineur. passage. Alors, je sais plus par contre si c'est là tout de suite après que l'acheteur revient ou si d'abord il y a la scène. Il Je y a sais d'abord plus. la scène. D'abord, il y a la scène avec le collègue, l'autre collègue. Voilà. Dino oui. sort de la voiture, il se dirige vers son bureau et le collègue arrive. Le collègue arrive et lui dit ouais, pour le match de foot là contre je sais pas quelle autre concession, pourquoi je suis jamais pris et tout. Pourquoi je suis jamais pris? Et là, qu'est-ce qu'il lui dit, Dino? Ah, il lui baragouine en italien et la stazione della maggiorità, je sais pas quoi là. Et dit grosso modo, quand on veut gagner un match, il faut avoir toujours une pièce maîtresse. Et la pièce maîtresse, c'est toi. C'est toi. Et là, il dit, mais contre Nissa. Ah, voilà, voilà. Je sais pas, il parle un vieil italien comme ça. Et il dit, c'est bon. Il dit, erreur stratégique quoi là. Du grand n'importe quoi. Et donc voilà, le gars est visiblement content, le collègue. Hein. Il est, ouais, lui aussi, ouais. Hein, il est un peu partout aussi, ce mec-là. Je me demande si c'est pas le. Il jouait pas dans Un Indien dans la ville, ce collègue-là? Il jouait pas le concierge d'Un Indien dans la ville? Oh là, tu fais. Ça va loin, ça va loin. Ça va loin. Donc, bon. Il va pas bouger là, hein, c'est bon. Quoi qu'il arrive, voilà cette scène-là. Et du coup, on revient sur le premier vendeur, qui est toujours dans la. Qui est toujours dans la voiture, lui, il est resté prostré, en fait. Hein. Sa vente, elle s'est cassée, peu, il est resté un là. Un peu vénère, quoi. Parce que vendre des Maserati, ça doit pas arriver tous les jours. Donc, un client comme ça, ouais, ça doit le faire chier, quoi. C'est ça. Et finalement, Monsieur Mézières revient rapidement, donc l'acheteur. Il rentre dans la concession. Il entre dans la voiture, il dit « Je la veux, finalement. » Et je la veux tout de suite. Et tout de suite. Moi, je vais aller chercher le contrat. Ah, tu vois, ça te fait presque rire. Hein. C'est du bateau comme ça, mais ça te fait presque rire. Ah, c'est les techniques de vente à la Benji, hein, truc de spécialiste. Exactement, exactement. Donc là, voilà. Donc on passe directement au bureau du directeur de la concession. Voilà, petite réunion avec le boss Dino, le boss, et l'autre vendeur. Le vendeur numéro 1, on va l'appeler. Là, le directeur leur dit bon, je me casse. Et là, il faut que j'avoue que cette scène, j'ai rigolé. Quoi, il a dit, mais pourquoi ? Ce qu'il leur dit, ouais, je pars à Las Vegas. Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Remplacer Céline Dion. Doubleur de Céline Dion. Faire la doublure de Céline Dion. Et t'as le premier vendeur qui dit, mais qui va vous remplacer ici ? Pas Céline Dion. Céline Dion. Là, j'ai rigolé. Très bonne vanne. Hein. J'ai rigolé, je me suis dit, peut-être que ce film va me surprendre. Là, sur ce passage-là, moi, je me suis marré, c'est plus sur la vanne d'après, tu vois. Parce que donc, t'as le directeur qui fait ah, ouais. Bon, je pars à la retraite. Et le siège m'a dit, bon, vous pouvez choisir le nouveau directeur. Donc, ce sera l'un de vous deux. Ah, bah, parfait. Où est-ce que je signe? Petite blague de Dino. Bah, parfait. Où est-ce que je signe? Non, écoutez, là, vous avez 6 mois pour y aller à fond et vendre tout ce que vous pouvez. Et là, réponse de Dino. Bah parfait, où est-ce que je signe, Eh, je suis sûr que ça t'a fait marrer. Ah non, mais là, je dois avouer qu'à partir de ce moment, je suis en train de me demander si ce film va pas me plaire. Et Cad est pas mauvais, hein, parce qu'il a le bon timing et tout, il balance bien sa vanne comme ça, il est bon. C'est ça me fait penser à son rôle dans Baron Noir, il est un peu comme ça, tu vois, ça me fait assez marrer. Ça me fait assez marrer. Donc voilà, il va y avoir un nouveau directeur de concession. Pff, comme ça, on se dit que c'est un peu Dino le taulier, tu vois. Donc, Alors entre les deux, c'est clairement Dino le taulier. C'est lui qui fait les ventes, il est confiant. Voilà, c'est même lui qui fait les ventes de ses collègues. Ah bah, même il le troll même devant le directeur. Il lui fait hey, vous savez quoi, le vendeur numéro 1, il a vendu une Maserati avant. Alors, on l'appelle vendeur numéro 1, mais bon, voilà, le vendeur. C'est pas son nom. C'est pas le vendeur numéro 1, Jean, il est pas devant Dino. Hein. Ah ouais, c'est plutôt le vendeur numéro 2, alors, voilà. Disons le vendeur numéro 2. Bon, de toute façon, on le reverra plus avant longtemps, dans ces 20 au premières minutes. Pas avant les 20 premières minutes, ça c'est sûr. Donc voilà, prochaine scène. Quête, petite soirée dans une boîte, dans un caveau. Ça a l'air pas mal, la musique est pas si forte. Ouais. Ça c'est pas mal, c'est important. C'est pas si fort, c'est pas mal. Dino va au bar se chercher deux petites coupettes de champ. Exact. Il va boire une chai. Comme ça. Et il commence à la draguer et elle le drague encore plus fort. Il la chope. Il la pécho direct. Boum. Scène d'après. On comprend vite que c'est sa copine. Ah ouais, après, gros bluff. Bah, c'est sa meuf depuis un an. Et voilà. Donc, la scène d'après, ils sont chez Dino. Au lit. Voilà. Après avoir fait. la chose. Alors, fait ce qu'ils avaient à faire. Hein. Ouais, la chose. On va reprendre les termes de 2 heures de perdu. La chose. Ils sont sûrs comme ça. Voilà, ils ont fait la chose. C'est le petit matin, ouais. On dirait. Et ils sont en train de discuter un petit peu. Ça blablate. Ça discute parents, famille, voilà. Collègues. Elle n'a jamais vu ses parents. Elle a pourquoi jamais tu ne me présentes pas ta famille, Dino? Pourquoi tu ne me présentes pas tes amis? Collègues. Je me dis, c'est chaud d'avoir une gonzesse pendant un an et la gonzesse n'a jamais vu personne, quoi. Ah, ça, c'est un sacré style. Hein, carrées, c'est le style du Dino, on dirait. Et c'est son style. Hein. Donc, du coup, même... Bah, il dit non, bah non, ma famille, alors tu sais bien qu'elle est en Italie et tout, pas possible. Et puis, je peux pas t'amener comme ça parce que voilà, il faut être marié et tout. Enfin bref, un beau gros mytho de Dino. Ouais, voilà, il essaye d'esquiver le truc. Voilà, la dernière fille qui a été amenée là-bas, ils l'ont traînée derrière un âne, ils lui ont lancé des pastèques. Le gars, il est dans l'abus complet, quoi. Et je sais pas si t'as déjà essayé de lancer une pastèque, c'est pas comme lancer une orange. Hein. Ah, c'est dur une pastèque. Hein. Ah, et ça peut faire mal une pastèque aussi. Hein. C'est surtout ça. Hein. Tu te prends 3-4 pastèques bien placées sur la tête, direction ça l'hôpital. Fait hein. Ça fait mal. Hein. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. Et... oh, ouais. Grosse référence. Exactement. Grosse référence. Donc voilà, c'est la petite scène au pieu. On va cut. On passe cette scène. Ah, finalement, faut quand même dire que donc là, il est censé aller en Italie ce week-end. Voilà. Elle veut forcer, elle lui dit écoute, je viens avec toi. Il dit non, non, non. Bon, non. Donc elle le travaille, il dit ok, je vais leur en parler. Voilà, ouais, sous-entendu, voilà. La prochaine fois, pourquoi pas. Exactement. Donc là, cut, et on le voit, il va acheter des souvenirs dans des boutiques italiennes en fait. De nouveau en Maserati, qu'il a dû encore chipoter comme ça. On voit en plus qu'il y a le logo de la concession, donc tu vois, on voit bien que c'est pas la sienne. Il l'a chippé, oui, il s'achète des. Bah, comme s'il allait acheter des souvenirs. Des souvenirs italiens, des assiettes. De la nourriture chez un traiteur. Dans un magasin de foot, il achète, on dirait. Il n'achète pas un ballon, donc il doit acheter autre chose, un tissu. Il achète un maillot. Eh oui, mais on ne le sait pas encore. Ouais, mais bon, je spoil, c'est pas un. Voilà, il achète un maillot. On sent que le mec. Là, j'ai noté. Gros mytho. On sent qu'il est en train de préparer un truc. On sent qu'il y a un sale délire. On sent qu'il y a. Ouais, on se dit, oula, il est en train de mentir à sa gonzesse et tout. Il y va pas en Italie. Bref, c'est chaud. Ouais, là où j'en suis, je me suis dit, le gars fait semblant d'aller en Italie. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il a peut-être une deuxième femme ailleurs ou un truc comme ça. Il fait des allers-retours, j'en sais rien. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Et du coup, on le voit partir s'arrêter à l'aéroport. Voilà, direction l'aéroport de Marseille. Voilà. À l'aéroport de Marseille, on le voit, il se gare tranquille. On voit qu'il enlève ses bijoux, il enlève sa relique christianiste. Il enlève le Christ, il enlève sa gourmette et le parker, je ne sais pas comment on appelle ça, là, le gars qui parque la voiture, quoi. Le voiturier. On va l'appeler Tony. Voilà, Tony Parker. Voilà, bon. Allez. Ou Lewis, peut-être. Hein ? Parker Lewis. Ouh, bien joué. Bien joué. Voilà. Donc, je vois que tu perds jamais. Hein. Donc, Tony Parker lui dit salut Tony, salut Dino, quoi, ils se connaissent. On voit que le mec vient là souvent faire ce genre de manigances. Le gars est souvent là, voilà, je garde ta voiture et tout, t'inquiète, elle sera au bon endroit. Donc voilà, donc là on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qu'il achète du matos italien, mais il va quand même à l'aéroport. Qu'est-ce que c'est que ce port ? On va vite avoir notre réponse. Il demande à Tony. Parker, est-ce qu'il est déjà arrivé l'avion de Rome là ? Il dit non, il vient d'atterrir. Ok, parfait. Parfait. Et hop, il y va, tac. Il monte dans le hall où il rencontre le hall de l'aéroport où il rencontre, on pourrait dire, sa mère. Ça a l'air d'être sa mère. Voilà. Disons sa mère. Voilà, on va vite comprendre que c'est sa mère. Voilà, elle le dit. Ça, mon fils, à mon là, petit. Elle dit, mon petit. Mon petit, vas-y. On mon petit Mourad. Mon petit Mourad. Et là, on se dit, oh putain, le con, il n'est pas italien. Mourad, ça, c'est gros, pas italien, mon fils. Gros, grosse bulle. Et puis là, on voit directement que, il n'est pas italien, hein, le brave petit. Aïe, aïe, aïe. Voilà, en plus, quand on sait ce que les Italiens pensent des Arabes, on sent que ça va devenir savoureux. C'est chaud, hein, c'est chaud. Donc là, il va dans la caisse, il y a sa mère, il y a sa sœur. Alors, sa sœur, je la trouve très bien. Je sais pas toi, ton avis là-dessus. Monsieur, écoute, enseigné, c'est pas mon, c'est pas mon style, bah, mais écoute, c'est pas mon ça style, va. Mais je la trouve très, très bien faite, très, voilà. Très bien faite. Il s'est passé quelque chose. Mais elle a 40 ans maintenant. Mais elle avait 30. Ah, elle avait quel âge? 30. Ah oui, c'était il y a 10 ans, c'est logique. Oui, oui. C'était il y a 10 ans, 30 ans, et puis ouais, je me suis dit, ouais, putain, elle est bien la meuf. Un peu jeune pour, voilà. Pour toi, peut-être. Ouais, puis si elle n'a pas d'enfant, c'est compliqué. Exact. Ouais. C'est compliqué pour l'organisation. Donc, voilà. Donc dans la voiture, bon, bien sûr, hein, il tout un speech à sa mère. Alors, ils sont dans la voiture, c'est sa sœur qui conduit, et ça fait le speech, ouais. Rome ça, tac-tac, blabla, bah, Rome, il se passe ça, c'est compliqué, nanani, nanana. Mais on voit que la sœur, elle a un regard un peu sévère, elle est un peu énervée, quand la même. Sœur, bah, la sœur, on voit direct qu'elle sait. Elle sait que c'est zbeul, tout ça. Bah, dans ce que j'ai vu après, c'est pas clair qu'elle sait, mais elle sait qu'il y a un zbeul, c'est pas... Si, en fait, dans la scène, quand ils sont seuls tous les deux, elle lui dit clairement. Elle lui dit, ouais, j'ai pas... Elle lui dit, ça fait 5 ans... Parle trop vite pour moi. Ouais, si, il lui dit, oui, c'est moi qui ai voulu qui ai voulu complexifier le truc, oui, elle le sait. Alors que, voilà, ils sont en voiture avec la mère, ça blablate, dès qu'ils arrivent chez les parents, chez la mère, la mère, elle rentre dans la baraque et la sœur lui dit « Bon, ça fait quand même 5 ans là, que je suis obligé de couvrir toutes tes conneries, ça suffit comme ça. » Mais là, Mourad, il lui dit « Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux ? En même temps, voilà, je trouvais pas de job en m'appelant Mourad. Voilà, forcément. » Et puis, bah, le rôle d'Italien, il est un peu resté, quoi. La sœur, c'est elle ça. Est un peu vénère. C'est ça. Vénère, et puis voilà. Par contre, il ment pas sur le fait qu'il bosse chez Maserati, qui va non, pas... Non, il fait ça, ce qu'il fait bien. Quand t'es un très bon mytho. C'est toujours faire passer des gros mythos avec des petites vérités. Ouais, voilà, parce que ça pourrait être un mytho complet qui bosse pas et tout. C'est quand même un gars qui a du pognon, qui est vraiment chez Maserati, tu vois. Donc là, c'est le côté... Ouais, parce qu'au début, on te le dépeint comme un peu un loser, mais bon, on sent qu'il il roule bien sa bosse quand même. Il a bien roulé sa bosse, il est tranquille. Hein. Donc, par voilà. Contre, il a aussi dû gérer sa mère qui lui demande « Quand est-ce qu'on vient chez toi en Italie, à Rome ?» Où là, il répond « Non, c'est trop petit. » Donc, tu sens qu'il est quand même sur du double mythonnage, quoi. Du repas de famille ou c'est au repas de famille ou c'est après ça juste avant dans la voiture il lui dit complètement ah ouais il lui fait mais non mais sinon où est-ce que vous allez dormir à l'hôtel et la sœur elle fait bah ouais c'est le principe des hôtels quoi ah ouais voilà ouais, donc ça, lui, voilà ça se taquine déjà en sortant de la voiture elle lui dit j'en ai marre de tes conneries effectivement ensuite on passe à la scène suivante où ils sont à la maison ils arrivent à la maison familiale hein. Et à l'étage, on voit le père qui est en train d'essayer des chaussures de claquettes. Il est un peu en train de les tapoter ensemble. Bon, pourquoi pas. Il est fou avec ça. Il est complètement taré. Il est complètement taré. Et du coup, bah voilà, ça se transforme en petit repas. Bah, c'est un repas de famille. D'abord, il donne des cadeaux à tout le monde. D'abord, il donne, des cadeaux. On découvre qu'il a une nièce aussi. Bah, il a son frangin qui est là. Son frangin, c'est un acteur connu aussi. Celui qui jouait dans Babysitting, là, la bande, celui qui est dans la bande à la show, là. Ah, exactement, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. En plus jeune, effectivement. Celui qui joue Gao Bob dans Nicky Larson. C'est vrai. Ah, c'est lui, hein. Ah, c'est un film que je conseillerais à Nicky Larson, d'ailleurs. On y reviendra un jour, peut-être, sur Nicky Larson. Et du coup, donc voilà, il y a son frère, il y a sa sœur, il y a ses parents, et il y a la femme à son frère et la nièce qui est là, voilà, qui offre des cadeaux. Il offre les cadeaux, il fait le prince, il offre un maillot dédicacé alors qu'on voit que c'est lui qui l'a signé. Bon, voilà. Il offre le maillot de Tutti à son frère. À sa sœur, il lui offre des assiettes avec la sœur qui fait un bon. Ah tiens, en Italie, ils se foutent de la gueule du monde, c'est du made in France. Voilà, donc bon, on sent que la sœur va lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. Ouais, on sent qu'elle n'est pas là pour enfiler des perles. Quoi. Donc, ensuite, donc voilà. On passe à la scène suivante. Au repas, au vrai repas de famille. Voilà, ils sont sur la terrasse, en extérieur. Voilà, c'est pas très intéressant. Ça parle beaucoup de discrimination. Ça se chamaille sur discrimination, des différences entre fonctionnaires et privés. Voilà, privé, que public. Dans le privé. La sœur qui démarre pas du fait que bah, même si on est d'origine maghrébine et qu'on veut aller plus loin dans le métier, bah faut quand même se bouger le cul, faut pas se dire que qu'on est maghrébine. Enfin bref, tu t'expliques que dans le privé c'est autre chose, quand t'as une tête d'arabe c'est plus compliqué, elle dit non, donc il va y avoir des tensions là-dessus aussi. Il va y avoir des tensions, mais bon, les parents sont fiers, il va être il va être directeur d'une concession Maserati, voilà, parce que ça part de là. Possiblement ça directeur. Ensuite, bah, du coup, ça parle aussi de fiancé, de gonzesse. Voilà, où est-ce qu'elle est ta femme ? Est-ce que tu as une femme ? Et du coup, hey, il balance, il dit, effectivement, j'en ai une. Voilà, ah, quand est-ce que tu présentes la future madame Ben Saoud ? Donc déjà, il la met loin. Il dit qu'elle est en Italie. Ouais, déjà, en Italie, et qu'elle est responsable d'un magasin française et responsable d'un magasin de robes de mariage. Ah oui, yeah. J'espère que c'est son vrai job à la gonzesse, hein, parce que... Ah, j'avais pas noté ça aura sûrement son importance après. Si, bah en fait, elle dit ça, et après la mère, elle dit, ah bah voilà, ça tombe bien en plus qu'elle soit dans les robes de mariée, comme ça, vous allez pouvoir vous marier bientôt et tout. Ah non, donc, mais bon, c'est sûr, la suite du film est toute tracée, hein. Je vois la scène finale maintenant, j'ai tout compris. Et là, bon, bah, le père, enfin, le Dino botte un peu en touche, tout ça, il dit, bon, allez, arrêtez vos conneries, blablabla, blablabla, vous m'énervez. Et là, ouais. Le père, il arrive avec son histoire de claquette. Elle a l'air un peu benée, hein, le père, quand même. Hein, enfin, je sais pas ce qu'il a, mais... Bah, je sais pas s'il est benet, disons qu'il veut surtout faire des claquettes, ça c'est clair. Hein, ça... Et c'était... Il est dans son rôle de grand-père qui veut faire des claquettes. Voilà, ouais. C'était le meilleur danseur de claquettes de tout Alger. Donc Dino lui dit, bah, pourquoi tu nous fais pas une petite démo de claquettes? Ok, allez. Donc il va chercher ses claquettes, il se fait pas prier quand même. Il commence, et il est pas mauvais, hein. Non, c'est plutôt pas mal, hein. C'est divertissant. C'est pas mal, c'est divertissant. Il est fier de lui et tout. Et puis, il a des beaux restes, jusqu'au moment où il commence à tirer un peu la tronche, quoi. Ce qui est marrant, c'est quand il commence à tirer la tronche, même moi qui suis pas dans le truc, je me dis, oh putain, là, le gars, il va mal. Personne s'en rend compte au début. Pendant 10 secondes, le gars, il le laisse en train de s'essouffler tranquille. Moi, je leur ai dit, hey, pose-toi tranquille, arrête tes conneries maintenant. Ouais, force pas le trait, t'as déjà bien donné là, ne claque-tode pas trop. Sinon, tu vas nous claquer dans les mains. Et là, bam, il tombe à terre, tout le monde se lève. Je dis, putain, bravo la réactivité, les gars. Bravo la réactivité. Mais tu vois, ce genre de petite baraque dans le sud de la France, là, pour ceux qui sont dans le sud de la France qui nous écoutent, je trouve ça sympa. Petite baraque, jardin. Ouais, je vois. L'intérieur bon qui donne rapidement sur l'extérieur, ça s'entremêle. Ça sent bon le sud, c'est pas un mas, mais bon, c'est assez sympa. Ah, c'est certain. Donc, qu'ici, nous, là où on est le futur sud de la France, hein. Encore 20 ans, et c'est chez nous les bons étés. Hein. Allez. Dans le sud, on va cramer, les gars. On a tout, on fait ce qu'on veut. Donc comme voilà. On dit toujours, il ne manque que la mer. Exactement. Ah, ça vous donne des indices sur où est-ce qu'on est. Eh oui, bien joué, les gars. Donc là, le père a fait sa petite attaque. Cut. Voilà, il a fait sa petite attaque. On où se retrouve donc. On se retrouve après ça, hein, hein? À l'hôpital. Ben, à l'hôpital, tout à fait. À l'hôpital local. À l'hôpital local, tout à fait, exactement. L'hôpital local où le médecin au calme arrive, leur dit bon, bah votre père, il a fait une petite crise cardiaque au calme, hein, début d'attaque. Ils sont dans le couloir, il leur explique ça. Le père était déjà venu. La mère était pas au courant, qu'elle est un peu vénère. Un premier mensonge. Voilà, le mensonge du père, il voulait pas vous inquiéter et tout. Ah, mais si, nanani, nanana. Deuxième info importante, le médecin lui dit pas de ramadan pour lui cette année. Pas de ramadan cette année. Eh non, pas de ramadan. Donc là, le médecin leur dit ça dans le couloir, hein, et après, donc il se retrouve dans la chambre. La mère commence à engueuler en arabe le père. Attends, ouais, quand elle commence à lui parler en arabe, c'est une autre affaire. Hein. Elle est vénère, hein, tu vois. Elle est vénère même. Elle est tellement vénère, elle se barre de la chambre. Elle en a marre. Ah, j'ai senti qu'elle me reprochait des choses aussi. Hein. Je me suis dit, ouais, faut que je me confesse. Elle nous le reprochait à tous, t'inquiète pas, elle nous le reprochait à tous. Ah, le père, il est sur son lit, il fait pas le malin. Alors, il fait pas le malin, mais bon, écoute, il a l'air de s'en foutre quand même un peu. Elle lui dit une chose importante. Elle lui dit, si on se ment dans la famille, c'est la fin des haricots, tu m'entends? C'est la fin des haricots. Et là, petit regard de la sœur sur Dino, du genre, voilà. Non, la Dino mère... regarde sa sœur. Et dit, oula. Et la mère, elle part. Et on commence à voir un peu le schéma qui se met en place. Le père a lancé un mensonge. La mère, parce qu'il était déjà venu ici ausculter, se faire consulter, tout ça. Et donc la mère, elle supporte pas les mensonges. Elle quitte la pièce. Exact. Ça suffit, basta. Si elle était italienne, c'est ce qu'elle aurait dit. Elle aurait dit pasta, pasta. Et voilà, petit cliché. Et du coup, bah là, le père, la mère est partie. Le père explique à Dino Alors là, bon, je suis pas trop. Il fait des petites confessions un petit peu. Il dit Dino, ah, t'es un peu, t'es, voilà, je mélange un peu tout, mais t'es l'aîné de la famille, t'es un bon exemple pour tout T'es le le modèle. T'es le monde, t'es le modèle. modèle. Écoute-moi, Dino, Mourad, pardon, pas Dino, Mourad. J'ai Mourad. menti à Dieu. Pourquoi il a menti à Dieu d'ailleurs? À cause juste de. Il a menti à sa femme. Ouais, c'est juste pour ça en fait. Hein. Pendant Ouais. tout ce temps-là, donc t'as la sœur qui juge. Et il commence à canasser un peu le film. Il lui dit, je vais pas pouvoir faire le ramadan, c'est toi qui vas devoir le faire pour moi. Mais sérieusement, parce que Dino après il dit, mais tu sais, le ramadan, je le fais déjà sérieusement. Il dit, non, là, tu vas vraiment le faire. Voilà, tu vas vraiment le faire sérieusement et tu me fais une promesse à moi et tu fais une promesse au prophète. Voilà, c'est Ok. sérieux, hein. C'est Donc là, sérieux. Là, Dino, il il est accepte. mal. Il est Il mal, accepte, Dino. mais il accepte pas. Il accepte pas non plus en déglutissant, tu vois. Il dit ok, Il dit père, ok, mais j'accepte. il sent que ça va être chaud pour la suite, quoi. Ouais. Donc voilà, bah, On arrive aux il 20 accepte de minutes. faire. On arrive aux 20 minutes. Voilà. Magnifique, hein, n'est-ce pas? On arrive. C'est voilà, maintenant on va bientôt Alors. pouvoir écrire des scénarios, hein. On sait que c'est au bout de 20 minutes que tout se joue. Vas-y, fais-moi rêver du coup. Donc, pour le moment, qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que t'anticipes là-dedans? Alors, contrairement à ce que je m'étais imaginé, ce film va je vais pouvoir regarder la suite sans trop d'appréhension. Ça va Vas-y. Je pensais vraiment que ce serait une purge à la Marsupilami. Non, c'est beaucoup mieux que le Marsupilami. On est peut-être pas, je sais pas où on va se situer, mais on est déjà bien au-dessus du Marsupilami. Ça va pouvoir se regarder. Et tu sais, alors pour la petite anecdote, donc ce film est sorti en 2010. 2010, je finissais mes études là en école de commerce, blabla. Et c'est un des Monsieur. films, parce que j'avais Canal à l'époque, et Oh c'est là là, un des monsieur. films qui repassait assez souvent sur un peu tous les canals, tu vois, Canal Plus Ouais. Décalé, Canal Plus Cinéma. Et à chaque fois que je tombais dessus, eh ben, je sais pas, je restais dessus. Mais D'accord. toujours en faisant des trucs à côté, en mettant en bruit de fond C'est un et peu ta en. spécialité. En bossant un peu mes cours, en faisant ci, en faisant ça. Attends, je Et croyais que tu avais terminé tes cours. C'est pas très clair ton affaire. mes cours. Je croyais que tu avais terminé tes cours. Non, c'était en école de commerce. Ah, ok, j'ai cru que tu me la Enfin faisais à la bref. dino là. Oh non, non, c'était les dernières années. Et c'est un film que bah, finalement, je l'ai peut-être vu plus de 2, 3 fois par scène coupée comme ça. Mais je regardais toujours avec plaisir la fin. Voilà, Oui, c'est parce que d'accord. c'est une ambiance sympa aussi, tu vois, c'est Marseille, Nice, c'est Ouais, cool comme parfois c'est important aussi un petit peu de soleil hein, quand on fait ses études à ouais, Rouen. c'est pas mal, ça passe bien, la voie de Cade est Non, toi t'étais rassurante. loin de Nice, t'étais dans le nord. Oh, moi, j'étais dans le nord de la France, j'étais dans Oh. le nord. Un peu Nord, de nord. soleil, ça faisait du bien, quoi. Je crois que c'est pour ça que ça te faisait du bien, hein, parce que toutes ces briques Exactement. rouges là, c'était dur. Donc, exactement. Donc vas-y, alors, qu'anticipes-tu de ce film? Mais je me suis fait un petit résumé rapide et il y a des choses qui ressortent. Vas-y. Alors, on voit que c'est un bon vendeur quand même. On voit que Ouais. c'est un bon mytho aussi. Ouais. Qu'il a des problèmes avec sa femme, sa famille, sa sœur. Il y a de la réussite. Il y a son père qui est cardiaque. Il y a le ramadan, il y a la promesse. Il y a le foot. Il y a le Il y foot, ouais. a le foot, il y a la différence fonctionnaire privée et il y a le frère qui s'est fait rabrouer. Ouais. Alors, je vais faire un petit mélange de tout ça Ouais. et je vais essayer de sortir ce qu'il faut. Bon, pourtant, tout tourne autour de la même chose, donc globalement, vas-y. Bah oui, bah il va devoir se démerder pour continuer à ne pas présenter sa famille à sa femme et l'inverse, tout en faisant le ramadan, mais très rapidement, il va devoir présenter les deux. Ça va faire un peu du bisbille. Ça va pas être évident. Il va devoir faire des mythos sur mythos. Au match de foot, il va plus prendre de bière le match. Des trucs comme ça. Il va essayer de faire quand même rentrer le joueur, le mauvais vendeur. Enfin, c'est un peu. Là, je rentre plus dans le détail. Mais dans le fond, c'est une comédie française. On sait très bien que ça va se terminer correctement. D'abord, il va se séparer de sa femme, hein, ça c'est sûr. C'est un film français. Ils vont se Oui. séparer. Ouais. Mais Et normalement, elle va revenir en robe de mariée même. Peut-être même qu'il l'aura demandé en mariage à un moment, je sais pas, un truc comme ça, ouais. Peut-être. Et ça va bien se terminer. Finalement, elle sera bien acceptée. Parce qu'il y aura peut-être un moment où il la présentera à sa famille, mais d'une façon détournée, ou peut-être qu'ils lui diront « Ah bah, j'espère que c'est pas trop sérieux parce que elle est pas musulmane ou quoi, tu vois. » Mais finalement, ouais, tout va bien se mettre en place. Ok. Et je pense peut-être qu'il aura même pas la promotion et que c'est le vendeur numéro 2 qui l'aura. Alors, et auquel cas, pourquoi ? Parce qu'il aura peut-être, lui, une place à Rome. Oh. Bon, ben. Écoute, il y a du vrai, il y a du faux. Il y a... Non, mais voilà, c'est un film français, c'est vrai. Voilà, c'est un film français. Voilà, c'est un film français, donc... Si j'arrive à rigoler encore une ou deux fois, pour moi, c'est bon. Ça, mon abonnement Netflix aurait été amorti. Merci, les gars. Merci Netflix encore. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on voit ça prochain podcast. Hein. Tu vas me regarder ça en entier et puis on va voir ça comme il se doit. Je vais te dire, pour l'instant, j'ai le temps. On a tous le temps. Je vais regarder ça tranquillement et puis on en parlera la prochaine fois. Eh ben, parfait. Allez. Eh ben, c'était Adrien. Et Xavier, pour 20 minutes et c'est tout. Profitez bien du confinement. Allez, confinez-vous bien. À la prochaine. Ciao.